françaises, français, chers Gaulois réfractaires, voici une nouvelle allocution en pleine crise sanitaire. C'est la 9e fois en 2 ans que je prends la parole sans que me soit décompté le moindre temps de parole. Je me suis dit que ça vous plairait d'avoir un président qui slame. C'est vrai que ça change de tous ces gens qui parlent que d'islam. Mon flow à moi est sans égal, à vous, tu kiffes mon son. Mais c'est fini, grand corps malade, maintenant c'est grand corps Macron. Si j'ai la voix grave, croyez pas que c'est que j'ai trouvé du bon shit. Pour vous dire la vérité, c'est juste que je sors d'une bronchite. Ouais, j'ai mué. Les temps ont bien changé depuis l'époque où je criais comme un ado. C'est mon projet! T'as cru que c'était la teuf? Eh, c'est la pandémie, gros. Alors que le variant Omicron sévit, moi je me mets au micro pour vous dire de vous vacciner. Une 3e injection s'impose pour vous sauver. Désormais, je vois la vie en dose. Refrain. Ouais, je suis le seul. On a mis un truc en anglais au milieu. Influenceur et président, je sais parler la langue des jeunes. Ziva, t'as vu comment je suis trop stylé, cool, fun. Comme je le disais dans ma dernière vidéo sur TikTok, mon quinquennat, il est parfait. Ouais, mon bilan, il est tip-top. Alors je ressors une à une mes antiennes ultra-libérales, tous ces trucs qui font qu'en une chaque matin libéral. L'avenir appartient à ceux qui quittent leur lito et à ceux qui font des feats avec McFly et Carlito. C'est moi le nouveau Jedi des centrales PR hors de prix. Dans les couloirs j'entends qu'on me surnomme l'Obi-Wan des lobbies. S'ils se mettaient à éditer un journal chez EDF, c'est sûr qu'ils me proposeraient d'être leur réacteur en chef. Comme il paraît que pour gagner, faut séduire les chasseurs, j'ai décidé d'ouvrir la chasse aux chômeurs. Pour les remettre au turbin, j'ai des idées à l'appel. Moi qui ai supprimé l'ISF et baissé l'APL. Faut arrêter les allocs, l'assistanat moyenâgeux. Ne pas oublier en rentrant d'acheter 2 douzaines de 3 briques de lait pour faire des crêpes et 2 mottes de beurre. Attendez, c'est qui l'abruti qui a écrit ça sur mon prompteur? Refrain. Comment... Ouais, mais si tu mets ta liste de courses sur mon prompteur, sur... Ouais, mais comment tu veux que je fasse mon alloc, là? Non, pas mon allocation, mon allocution. Merci, Brigitte. Faut arrêter les allocs. L'assistanat moyenâgeux. Hors de question que ma politique finance la française des gueux. Le fric, il faut qu'on le file aux banques, c'est élémentaire. En continuant d'alimenter les fils des banques alimentaires. Mais j'ai du cœur. Ouais, j'ai décidé de battre en retraite, de laisser à mon successeur la réforme des retraites. Ça me fait rire de dire successeur, car dans l'idée, j'ai la pas trop secrète intention de m'auto-succéder. Avouez que c'est humain. Et si le matin à l'Élysée, on vous donne des sondages à lire, eh ben, vous les lisez. À gauche, ils sont 10 000. À droite, Zemmour tient la gamelle. J'ai l'impression que je suis pile entre les Schtroumpfs et Gargamel. Moi j'agis et je soutiens les chalutiers dans leur malheur. Toute la journée de mes 2 mains, je prie pour vous, pauvres pêcheurs. Et puis je vous jure qu'il n'y aura plus de féminicide bientôt. Je le jure sur le féminisme de Nicolas Hulot. Mes chères Françaises, mes chers Français, pour finir cette allocution, je voulais simplement vous rappeler qu'en avril, il y a élection. Et que même si je ne suis pas encore officiellement candidat, je croise les doigts que mes électeurs, eux, n'auront pas d'extinction de voix. Je pourrais continuer longtemps à faire des bons calembours, mais je sens que vous vous dites, il commence à être lourd. Alors je vous laisse, je vais prendre mes pastilles pour les cordes vocales. Jean Castex, à demain. Et Gabriel, à tout à l'heure.